D'après le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, la solidarité du peuple pour l'abolition de la loi sur la sécurité a tenu le 1er décembre à la place Gwanghwamun, Séoul, une conférence de presse pour exiger l'abolition de la loi sur la sécurité, tout en condamnant que cette loi est la source de l'outrage à la politique d'État par le pouvoir de Park Geun-hye.